commençons notre édition week-end. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on vous parvient des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Tania est galère du ring. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do tea. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Tania is gonna entertain ya. T'as passé la fin de semaine au froid? Pas nécessairement la fin de semaine complète. Non, j'avais d'autres activités. Exactement, j'avais d'autres activités comme regarder les Olympiques. Et les jeux de la com et plein d'autres choses. Ben oui, tout à fait. Bon, le sommeil est pas là ce matin, mais c'est pas grave, hein? On est en forme, ben pareil. Oui, la vie est belle à la radio. Et oui, tout à fait. Samedi, c'était la soirée de lancement pour les Nuits polaires de Trois-Rivières. C'est un événement quand même qui se fait 12 éditions que l'on peut voir. C'est quelque chose qui a fait son bout de chemin. On est rendu quand même assez populaire et on a commencé tout ça avec une activité où on pouvait justement, si on avait de jeunes enfants ou si on était de jeunes enfants, faire un petit peu l'appropriation de ce qu'est la planche à neige. Ah. Donc, ça se passait en fin d'après-midi. De 5h à 7h, ça se passait du côté du parc de Trois-Rivières. Et justement, les jeunes pouvaient se familiariser avec la planche à neige, faire quelques essais. Et par la suite, on avait le feu d'artifice, le merveilleux feu d'artifice que t'as pu observer du confort de chez toi, Mathieu. Oui, j'ai pris des photos, tout ça, c'était le fun, pour montrer que de mon deuxième étage dans le centre-ville, je voyais les merveilleux petits feux d'artifice. Oui, tout à fait. Et par la suite, eh bien, sur la scène principale, donc sur des forges, on a eu le band Hitlist, qui est un band de cover. On passait vraiment au travers de toutes les années. On est allé des années 60 aux années 80, 90, 2000 et les années 2010. Donc, on en a eu vraiment là, pour tous les goûts et il y avait vraiment toutes les âges dans la place. Ah oui. Parce que j'étais là, Mathieu, et c'était le fun de voir à quel point les gens, avaient froid, mais se réchauffaient sur la musique. Et tous les styles musicaux qui ont été présentés durant la soirée ont été aimés. C'est ça qui est le fun à voir. On a vu des jeunes qui trippaient là, vraiment à entendre des styles musicaux qu'on n'aurait pas pensé qu'ils auraient trippé. Est-ce qu'il y avait du Snoop Dogg là-dedans? Non, pas vraiment. On n'a pas eu de rap, mais tu sais, on a entendu du Bruno Mars, on a entendu du Nicki Minaj. Donc de ce côté-là, c'était un style quand même assez populaire. Mais on a eu quand même aussi du Elvis, par exemple. On a eu du blues aussi. Donc vraiment, on a touché pas mal plusieurs styles musicaux différents, ce qui a fait en sorte que la plupart des gens qui étaient là sont restés parce qu'on voulait voir ce qui allait venir par la suite. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir un groupe qui est aussi polyvalent que ça. Tout à fait. Je pense que le mot, comme tu viens de le dire, polyvalent, c'était le mot clic, le mot, le mot clé de la soirée, en fait, parce que c'est vraiment ça qui a fait le bonheur de tous. Je crois qu'on a pu, apprécier le spectacle justement parce qu'on en avait pour tout le monde. Et c'est un spectacle qui a quand même duré au-dessus de 2 heures. Donc, félicitations Ben qui était là parce que c'était pas, un, évident avec le froid. Deux, de garder une foule comme celle-là pendant 2 heures, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Donc, à ce moment-là, ça s'est très bien fait. On a eu beaucoup de plaisir. À 10h02, le tout était terminé. Ah oui. Les règles de la ville, j'imagine. Les règles de la ville, ils sont jusqu'à 11h. Mais pour une première soirée, ça l'a vraiment très bien été. En tout cas, personnellement, je vois pas comment ça aurait pu mieux aller. Et sinon, des nouveautés du côté de Trois-Rivières, c'est que cette fin de semaine, ou toutes les 3 fins de semaine des nuits polaires, on a aussi ce qu'on appelle les off nuits polaires. Ah. Donc, ce qui veut dire qu'à la suite du spectacle qui se déroule à l'extérieur, sur des forges, eh bien, vous pouvez aller dans certains bars du centre-ville, tout dépendant de la soirée. Là, je dis certains parce qu'il y en a vraiment différents. Comme par exemple, le premier a eu lieu du côté le Nord-Ouest Café. Par la suite, cette fin de semaine, c'était du côté du Zénob. Donc, tu sais, il faut vraiment être à l'affût de ce qui se passe sur la page Facebook des Nuits polaires. C'est la meilleure place pour savoir où sont les off off nuit polaire. Mais à la suite du spectacle sur des forges, eh bien, c'est possible pour vous, de façon totalement gratuite, d'aller apprécier un spectacle à l'intérieur d'un bar, à l'intérieur d'un restaurant qui est au centre-ville, où vous allez avoir des artistes qui sont de style un petit peu plus émergent. Donc, du côté du Nord-Ouest, par exemple, cette semaine, c'était vendredi soir, on a pu voir Daze qui était en spectacle. Daze qui nous a déjà rendu visite. Ben exactement, oui. du côté de... C'était pendant les Palmarès, si je me souviens bien. Je me souviens pas, mais ils étaient en studio avec leurs petits instruments, puis leur exactement, voix, donc ils ont offert un spectacle quand même haute en couleurs, vraiment aux couleurs de Daze. On y a pas été trop acoustique ce soir-là, mais ça se passait du côté du Nord-Ouest. Et ça, c'est pendant les trois fins de semaine. Donc, les trois fins de semaine, vous pouvez voir ce qui est des off-show nuit polaire tout au long du week-end, que ce soit le vendredi, le samedi ou encore même le dimanche. Et c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est apprécié aussi du public, c'est qu'après le spectacle, on peut aller se réchauffer dans un endroit où il va y avoir encore de la musique. Donc, pour les amateurs de musique, c'est une belle fin de semaine où vous pouvez vraiment en avoir pour votre argent, considérant que c'est gratuit. Et si vous vivez sous une roche, eh bien, vous savez peut-être pas qu'un de mes sites préférés de la Mauricie, c'est le site du blog Tourisme Mauricie, oui. Tourisme Trois-Rivières. Et j'ai beaucoup apprécié, en fait, le petit article qu'ils ont sorti sur les raisons pourquoi on voudrait aller aux nuits polaires. Oh. Donc, c'est 5 raisons pour justement sortir, s'habiller, aller aux nuits polaires. Et c'est pas parce que c'est l'hiver qu'on doit rester justement enfermé chez nous. Je dois dire que toute la journée samedi, j'étais restée à l'intérieur. J'ai regardé les Olympiques. J'ai regardé beaucoup de choses. Je me suis dit, à un moment donné, là, ça ne tentait pas tant que ça d'y aller. Je me suis dit, va faire froid, va faire moins 11, moins 15. C'est ce qu'il faisait? Oui, mais non, j'avais tout faux parce que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à aller à l'extérieur puis justement voir un spectacle comme celui-là. Je dois dire que je donnais de mon temps à l'organisation des Nuits polaires, mais quand même, c'est de voir le nombre de personnes qu'il y avait sur place. C'est ça aussi qui crée l'ambiance, c'est d'avoir du monde tout le tour. Et les gens ont tellement trippé que veux, veux pas, tu te ramasses à tripper puis tu danses toi ici. Ouais. Donc la première raison pour aller aux Nuits polaires, bien c'est tout simple, c'est 3 week-ends d'activités. C'est pas un, c'est pas deux, c'est bien 3. Donc, de ce côté-là, on a des festivités. On multiplie le plaisir de cette façon-là. Est-ce que c'est les 3 soirs de chaque fin de semaine? C'est les 3 samedis de chaque fin de semaine. 3 samedis, okay. Donc, le 17 février, le 24 février et le 3 mars prochain. Et justement, à ce moment-là, eh bien, on se dit, on sort les foulards, on sort les mitaines, on sort les soupes pour les enfants. On y va. Et c'est ça aussi qui était le fun cette fin de semaine. C'est qu'on a pu voir le côté familial de cet événement-là. Il y avait beaucoup de petites familles qui étaient là, qui dansaient aux différents rythmes musicaux que Band Hitlist nous a offert. Si on se fie à ce qu'il y a sur les bulletins météo en ce moment, la première fin de semaine, c'est moins 11. Moins 11. Deuxième, pluie. Et troisième, slush. Si On va voir. On s'en reparle, oui, tout à fait. Par la suite, une deuxième raison pour aller aux nuits polaires, bien, c'est la programmation, qui est une grande qualité, mais qui est aussi très diversifiée. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. C'est des artistes de la relève, mais aussi de calibre international. Les nuits polaires, ils ont vu passer quand même du monde au cours des 12 dernières éditions, et je pense qu'on peut justement se permettre d'avoir une programmation aussi diversifiée que ce qu'on a cette année. Alors, cette année, par exemple, on va avoir Karim Ouellet cette fin de semaine, ce samedi. Kim Churchill, qu'on a déjà entendu dans l'émission, que je vous ai fait connaître. À la claire ensemble, Zach Zoya, Larry Kidd. Donc, de ce côté-là, on va passer là, vraiment du pop au folk, country, hip-hop. Tu sais, c'est pour tout le monde. C'est très varié. On aime ça. Si t'es pas du style à aimer la soirée hip-hop, ben tu sais que t'iras pas le 3 mars. Peut-être que t'aimeras mieux le spectacle qu'il va y avoir cette fin de semaine. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on découvre quel spectacle a été le plus populaire dans tout ça. Donc, on a des activités aussi pour toute la famille. On le disait, on a eu une inauguration, hein, un apprentissage, en fait, à la planche à neige du côté du parc cette fin de semaine. L'équipement a été prêté de façon totalement gratuite pour les jeunes. Alors, c'est le fun, à ce moment-là, on se rend compte que les jeunes ont peut-être un plaisir quelconque à pratiquer un sport. Par la suite, toute la famille était attendue pour le feu d'artifice, donc c'est toujours très prisé. C'est toujours... mon Dieu, il y avait du monde, c'est incroyable. C'est assez difficile de pouvoir bouger à l'intérieur des... à se faufiler, oui, à travers la foule qui était là, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens. Et comme on le disait, eh bien, les Off Festivals, c'est quelque chose de complètement nouveau cette année, en 2017. C'est une grande première. 2018. Oui, merci. C'est 6 scènes, café-bar du centre-ville qui se joignent aux festivités des Nuits polaires. C'est une vingtaine d'artistes au total que vous pouvez voir, malgré ceux qui vont être sur le stage principal. Donc, on se produit en spectacle totalement gratuit. Il y en a qui peuvent être payants, ça dépend de la place où vous allez. Par exemple, l'Embuscade, le Nord-Ouest, le Trèfle, le Zénobe, comme on le disait, la salle Anaïs Allard-Rousseau, c'est payant. Le cabaret de l'amphithéâtre, c'est payant aussi. Ouais. Mais si jamais ça vous intéresse, des Franklin Electric. Hey. Au cabaret de l'amphithéâtre cette fin de semaine. Donc, c'est à ce moment-là, justement, qu'on se rend compte qu'on a une grande diversité en Mauricie. Un show comme ça, ça amène du monde. C'est tout le temps plaisant. Et bien évidemment, bien la dernière raison pourquoi vous aimeriez peut-être aller aux Nuits polaires, c'est les boissons pour se réchauffer. Les boissons! Parce que oui, on le sait, on vous met à l'extérieur, on vous demande de vous réchauffer, on vous demande de bien vous habiller. Mais là, une bière froide en plein hiver, c'est pas tant le fun. C'est souvent l'ami des festivaliers d'été aussi, tu sais, pas vraiment à moins 30 sur des forges. Donc, à ce moment-là, bien, il n'y a rien de mieux qu'un petit café alcoolisé pour se réchauffer de façon quand même assez rapide avant d'aller danser. Donc, rendez-vous au bar des Nuits polaires, justement, sur la rue des Forges, qui est très, très près de la scène principale. Vous pouvez quand même écouter, vous pouvez quand même voir. Vous allez pouvoir déguster certaines versions là, de café alcoolisé. Il y en a vraiment pour tous les goûts à ce moment-là. Et il faut comprendre que c'est ouvert exceptionnellement pour l'occasion. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu les Nuits polaires samedi soir que dimanche, vous allez arriver sur des Forges puis il va y encore y avoir ce bar-là. Ça s'arrête après samedi soir. C'est un pop-up. C'est un pop-up pour la soirée en même temps que le spectacle. Par la suite, tout se fait ramasser parce qu'il faut comprendre qu'à minuit, les rues doivent être ouvertes. Oui. Donc, un travail incroyable de l'équipe de l'organisation a justement enlevé tout ça. C'est beaucoup de trucs. Et de le refaire à chaque semaine. De le faire à chaque semaine, c'est beaucoup de travail. Moi, je me rappelle les éditions où c'était toutes dans le même week-end. Oui. Par la suite, on avait beaucoup de travail, encore une fois, pour tout devoir défaire. Mais là, sur trois week-ends, je pense que c'est encore plus de travail. Mais je crois que c'est encore plus apprécié de la population trifluvienne qui justement peut bénéficier de trois week-ends différents. Et on en parle plus longtemps. Et puis les gens, le samedi, c'est pas mal la place où le soir où les choses se passent. Tout à fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut pas se dire à un certain moment dans les deux prochaines semaines « Ah, je vais m'habiller chaudement, moi y aller. » Il faut au moins se donner l'idée d'aller passer un petit peu de temps aux Nuits polaires. Quand même bien que ça serait juste en passant pour aller au restaurant avec des amis. Au moins, vous êtes là, vous connaissez l'ambiance qui règne avec tout ça. Et c'est vraiment très, très le fun. Cool. Hey, je peux te rajouter une dernière raison? Bien, certainement. C'est fou et partenaire. Exactement. C'est ma façon de faire ma divulgation. C'est merveilleux, ça, Mathieu. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Les Nuits polaires. Ça continue pour deux fins de semaine encore. Visitez leur site internet. Oui. Karim Ouellet, Kim Churchill, cette fin de semaine, ça devrait être excellent sur la scène principale. Absolument. On va l'entendre du Kim Churchill, « Some days the rain may fall ». Nous ne sommes pas seuls. Arrête, mon nom, ça. Je te le dis. Ah, ben oui, gars, ça, je le vois. C'est Antoine Ricard. Allô. Allô. Allô. Et bienvenue parmi nous. Toi qui as décidé, après tant de temps à te voir, à te croiser, à la Chasse Galerie, entre autres, de t'impliquer non seulement à la radio, mais en plus au journal. Ben oui, Colin, c'est, depuis le temps que j'y pense, en plus, l'implication scolaire surtout. Oui. Important, mais c'est ce qu'ils disent, hein. Ben, oui, c'est ça. T'es aux études depuis. Ouais, c'est ça. Depuis combien de temps t'es aux études? Ben écoute, là, je suis rendu à ma troisième année en communication sociale. Donc t'es en train de me dire qu'on t'a pogné ça à la fin? Ben, j'achève, mais bon, je vise peut-être la maîtrise, puis on verra en temps et lieu. Tu es intelligent. C'est ça, studieux. C'est ça. Ouais, à mes heures. À mes heures. Ta spécialité pour le futur en commun social, ce serait quoi? Tu vises quoi? Je vise beaucoup les relations publiques. Ah. Les relations publiques, le PR, le rentrer en contact avec les gens, puis discuter, puis échanger. Je pense que c'est ça le mot de l'histoire. Tu le fais bien, en plus, à la chose galerie, on voit que t'es en train de jaser avec tout le monde. Ben, tout le temps. C'est de naturel, incroyable. J'aime les gens. Ouais, c'est ça. Ça paraît. Et les gens t'aiment bien aussi. Bon. Oh. Donc, tu vas nous faire une petite chronique comme ça aux 2 semaines. Quelle sorte de chronique, quel sujet est-ce qu'on va aborder à travers les semaines? Exact. Ben, j'ai établi que, selon mes intérêts, très axé sur le plein air, disons, je me suis dit que ce qui pourrait être vraiment pertinent pour tout le monde, c'est d'en apprendre un peu plus sur les accessoires de plein air, sur les activités qui se passent dans la région mauricienne, mais également sur le plan international aussi, sur le plan... Canadien, puis on verra. Pyeongchang, est-ce que ça rentre là-dedans? Je penserais pas, Mathieu. Non. Quoique, tu pourrais nous parler de quels équipements les Olympiens utilisent. Ça se fait. Tout est possible dans cette chronique-là. C'est ça. Ben, écoute, oui, je serais absolument pas fermé à l'idée. C'est toujours une question de petite recherche. Et d'intérêt à le faire. Exactement. Donc, on va parler de plein air à chaque 2 semaines. Et même chose pour le Zone Campus. Tu vas parler de plein air là-dedans aussi. On y reviendra plus tard. Et aujourd'hui, spécifiquement pour ta première chronique, tu nous parles du Festival du film de montagne de Banff. Exactement. Écoute, il y a 3 semaines à peu près, j'ai participé au festival qui se tenait lieu au J. Antonio Thompson. Très, très, très intéressant. Puis j'invite les gens qui ne l'ont pas vu, disons, cette année, à se reprendre l'année prochaine. Ouais. Ça vaut la peine, c'est une expérience incroyable. C'est en tournée en ce moment, je pense qu'il y a des dates à d'autres endroits. Ça se continue jusqu'au 21 mars, la tournée 2018. 24 villes sont visitées, donc on était une parmi 24. 24 villes au Québec, donc 36 représentations au total au Québec. Qu'est-ce que t'as aimé de ça? C'est quoi le festival? C'est, on vous regarde des films pendant des heures et des heures? Ben, écoute, faire grosso modo, arriver dans le fond au théâtre, on va s'asseoir, on nous invite gentiment à prendre place. Puis, petite présentation en fait de 8 minutes de qu'est-ce que le festival du film de Banff. Une vidéo qui est en images, qui est en son, qui est en des paysages à couper le souffle. Puis c'est ça, après ça on est accueilli par une jeune fille qui est la représentante du Festival de Banff au Québec. Okay. Elle en fait nous fait la présentation des différents films qui vont être présentés au cours de la soirée. Il y a une petite entracte en plein milieu, disons après 1h30 de film. Les films vont varier entre 3 minutes et 45 minutes pour plus long. C'est vraiment des courts documentaires, des moyens documentaires et on peut dire des longs documentaires. Et quel genre de documentaire? Est-ce que c'est tout le temps... dans quel style est-ce que ça va? Est-ce que c'est des gens qui... avec leur GoPro dans les montagnes? Non, mais c'est très éclectique. Tu vois, en fait, j'ai fait un topo rapide des différents films qu'on pourrait retrouver. Ouais. Mm-hmm. Donc, Surf the Line qui est un film tourné par des Européens sur une tyrolienne, en fait, à plus de 600 mètres de haut. Oh. Ils font du surf littéralement sur la tyrolienne à même des GoPro. Donc, c'est ça. Pas le choix. Puis... 4K pour tout le monde. Ben, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais, mais ils ont le budget pour le faire aussi, ils sont sponsorisés par Red Bull. Ah, ben voilà, voilà. Maernik, ben, vois-tu, ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte que ce n'est pas seulement de l'aventure qui est extrême. Maernik, c'est un documentaire sur un père qui fait, disons, une confession d'amour à son fils de 5 ans. C'est un documentaire qui est présenté comme étant, dans le fond, un hymne à la culture inoue, parce que c'est un Montréalais qui s'est exporté exactement dans le Grand Nord canadien. Et le lien de plein air là-dedans, c'est qu'on voit des paysages du exactement, de mais à la base, l'homme en question, Connor McGrath, est en fait un guide de plein air. Mm-hmm. Donc, et c'est la raison du pourquoi il s'est retrouvé exporté dans le Grand Nord. J'imagine que tu vas pas là pour le fun, juste pour te divertir. Faut que t'aies une raison d'aller là, pour la plupart des gens. Mais ça dépend. Si tu tripes sur le plein air, tu peux très bien aller visiter juste pour les paysages. Hein. Mm-hmm. En tout cas, moi, je serais déjà à faire ça. Ouais. Reste quand même que la raison principale, et il l'avoue lui-même à travers le documentaire, c'est qu'il s'est fait une copine. À travers ses expéditions, la femme. Évidemment. La femme. Madame Connard. Mais c'est ça. Sinon, Intersection, qui en fait... Oui, Intersection, qui est un court documentaire d'environ 5 minutes. C'est une athlète de vélo de montagne et une artiste également qui vient mélanger l'art et le sport. C'est vraiment intéressant. En fait, elle va jouer avec les couleurs, les images, propulse honnêtement les spectateurs dans son imaginaire. C'est vraiment intéressant. Bon, c'est là qu'on tombe dans le vif du sujet. Ento Twin Galaxy, qui est le documentaire de 45 minutes. C'est okay. Le plus long, c'est le plus étoffé. Est-ce que c'est le dernier avec lequel on termine ou... C'est le dernier à laquelle on termine avant l'entracte. Ah oui, avant okay. L'entracte. Le donc, petit punch. Ben, c'est ça, il nous endorme un peu, mais après ça, il nous réveille avec ça. Mais c'est quand même 45 minutes de pur bonheur. C'est trois athlètes internationales, deux kayakistes et une guide polaire qui s'en vont s'enfoncer dans le Groenland. Ah, polaire à ça, ouais, mais... non... Mais 45 minutes où ils doivent traverser plus de 1000 km à travers le Groenland pour aller rejoindre une rivière qui n'a jamais été chevauchée par l'homme. Donc, écoute, c'est vraiment incroyable. Ils font du kitesurfing. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est le kitesurfing, ouais. C'est du ski avec un parachute. Ouais. Donc, ils se font tirer à même le vent du Groenland sur plus de 1000 km. Ça doit être incroyable. C'est impressionnant. Impressionnant à voir. C'est formidable. Donc, c'est ça. Je ne m'éterniserai pas, mais je vous conseille quand même pour les personnes qui sont téméraires de vous déplacer dans les... dans les villes qui offrent toujours la possibilité de voir ce festival. C'est tout le temps les mêmes films, donc ce dont tu as parlé là vont être répétés dans les autres films. Exactement. En fait, pour cette année, faut prendre en considération que la partie québécoise du Festival du film de Banff ont déterminé que c'était les 8 films qu'ils allaient présenter. Bon, c'est un petit fun fact. écoute, il y a jusqu'à 325 films en compétition, en fait, qui sont envoyés chaque année au Festival de Banff. C'est la crème, donc. C'est la crème de la crème, parce qu'on 80 de ces films-là sont retenus au final. Donc, c'est comme très intéressant. Ouais. Donc, 8 films. On continue, en fait, avec The Frozen Road, qui est un documentaire effectué par Ben Page, un jeune londonien de 24 ans qui a décidé de faire le tour du monde à vélo. Ah ben oui. Puis au moment où il fait son documentaire, il nous fait la présentation de son parcours à travers le Grand Nord canadien, encore une fois. Okay. En vélo. En vélo, accompagné. Ben, ouais. Ouais, ça doit pas être facile. Ah non, je le regardais, puis c'est solitaire. C'est solitaire, puis c'est peut-être ça, en fait, qui est intéressant dans ce documentaire-là. Ouais. C'est qu'on prend conscience à quel point la solitude peut jouer sur le moral. Okay. Parce que l'ensemble du documentaire est centré là-dessus, sur ses émotions. Ouais. C'est pas seulement, en fait, son aventure, mais c'est vraiment ses émotions qui vont être mises sur table, disons. C'est sûrement le pire bout, ça, j'imagine, le Grand Nord. Probablement. Ouais, parce côté mental, ouais. Ça doit être assez éprouvant. Mais j'ose espérer, en fait, que le gars en question, M. Page, n'a pas le même vélo pour l'ensemble de ses aventures, parce que, bon, si vous connaissez le principe de fat bike... Oui, ouais, fat c'est bike. Ça, je veux dire, dans le Grand Nord... Exactement, ben, c'est ça, lui a le fat bike pour le Grand Nord. S'il y a un spinning, pas sûr. Ben, on n'ira pas loin. C'est ça. Un unicycle. Non, mais en jonglant. Écoute, ben, à travers son épopée, il s'arrête dans un village inou, puis... Ouais. Une gang de jeunes garçons, disons 12-13 ans, qui vont le voir pour lui dire « Hey, fais attention, on a aperçu il y a 2-3 jours une meute de loups qui se promène autour du village. » Écoute, juste ça. Ben, sur 25 minutes, t'as un bon 5 minutes où monsieur est dans sa tente, couché, avec une tempête de neige et des hurlements de loups en arrière. C'est, ça donne des frissons. C'est de se dire que ça peut arriver, puis il y a des gens qui vont être assez téméraires pour le vivre. Donc, c'est ça, The Frozen Road. Where the Wild Thing Play. Ça, c'est un autre documentaire d'environ 5-6 minutes. C'est vraiment un discours féministe, à saveur féministe, en fait, où les femmes sont mises en avant-plan. Vraiment intéressant. C'est une panoplie de femmes, des athlètes qui ont été inclus dans ce même vidéo. Font plusieurs activités, que ce soit de l'escalade, que ce soit du ski, de la planche à neige, de la randonnée, mais beaucoup plus extrême. Mm-hmm. En fait, c'est un message qui prouve que les femmes sont en mesure, au même titre que les hommes, d'effectuer des aventures. Mm-hmm. Ben, si tu veux le faire, tu vas le faire. Exactement. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois plus que ça. il n'y a absolument rien qui t'empêche de le vivre. Mm-hmm. Puis ce vidéo-là nous le prouve avec frappant. Stump, qui est probablement mon coup de cœur, oh. qui est une jeune grimpeuse d'environ 30 ans, une athlète en fait, qui est handicapée. Donc, d'une main qui est née avec littéralement un mognon. Ben, c'est ça. Ben, on va dire, ben, le mot stump veut dire mognon. Exactement, ouais. Exact. Mais c'est c'est intéressant de s'en rendre compte et je t'avouerai que tu me l'apprends aujourd'hui que stump peut veut dire mognon. C'est comme un jeu de mots aussi. Est-ce que c'est stump P-E-D à la fin? Exactement. Stump comme dans genre t'es pas enfargé. Comment tu traduirais ça, stump? Hey. Ben, tu sais, justement, quand je te pose une question, tu sais pas comment répondre, t'es stumped. Ouais, t'es c'est comme, ça. T'es frappé. C'est ça. Et jeu de mots avec le monnaie. Ben, c'est parfait, en fait. Ouais, tu me l'apprends, puis. J'approuve le film juste pour son titre. Mais je t'approuverais, je te dirais que tu l'approuverais pour autre chose si tu le voyais, parce que c'est réellement un documentaire attachant, dynamique, charmant, si je peux me le permettre. Ben oui. La jeune femme est surprenamment amusante à travers ses difficultés qu'elle a à surmonter. À exactement. Littéralement à surmonter. Exact. Donc, c'est ça, c'est tout de même très intéressant. Ouais. Donc, le dernier et non le moindre, Imagination de Tom Walsh. Faut prendre en considération que cette vidéo-là a été tournée en l'honneur, ou en fait, c'est ça, en hommage au skieur JP Auclair, qui est décédé, qui est décédé il y a quelques années au cours d'une avalanche au Chili. Ouf. Donc, c'est une vidéo d'environ 3 minutes. C'est très court, mais ça parle beaucoup. Ouais, ça doit. C'est Tom Walsh, finalement, qui est un... Tom Walsh, qui est un skieur professionnel qui va skier dans un village de Vancouver. Ah, c'est cette vidéo-là? Ah, même ce... ouais. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Ouais, je connais. Ah, mais cette vidéo-là, vois-tu, je l'avais vue... Sur Internet. Exactement, elle avait été présentée avant. Oui. Ah. Puis j'ai resté quand même surpris, mais étonnamment surpris. Le gars, il skie quand même pas mal n'importe où dans le village. Je veux dire, c'est formidable. Puis de la manière que c'est tourné, c'est un jeune garçon qui s'imagine skier. On a tous déjà vécu ça. Mm-hmm. Disons, on voit une paroi ou on voit une rampe, puis on se dit, je pourrais skier, je pourrais rider sur cette rampe-là. Ben, dans cette vidéo-là, on a la preuve que ça peut être effectivement... Parce que c'est quelque chose que JP Auclair faisait. Exactement. C'est pour ça, exactement, ouais. C'est ça. Fait que c'est vraiment un hommage à ce grand skieur qui malheureusement nous a quittés trop jeune. Mm-hmm. Ouais. J'imagine que la plupart sont disponibles sur Internet aussi, si tu cherches un petit peu. Malheureusement. Non. Malheureusement, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai envoyé un message directement sur la page Facebook de l'événement. J'ai demandé s'il y avait possibilité d'aller voir les vidéos autrement que par le festival. La réponse m'a déconcerté un peu, je t'avouerais. Ou je vous avouerais. Il garde l'exclusivité, j'imagine. Ben, il garde l'exclusivité. En fait, c'est vraiment en fonction personnelle. Du festival, ouais. Non, c'est personnel, en fait, au réalisateur. Ah, OK. Donc, certaines personnes, comme Tom Walsh, vont l'avoir diffusé ouvertement au monde. Cette vidéo qui est sponsorisée par North Face, donc probablement que ça reste quand même un coup de pub pour eux. C'est donc, ça, exact. C'est intéressant pour eux, niveau marketing, de présenter la vidéo. Mais sinon, j'ai fait quelques recherches et malheureusement, c'est beaucoup moins facile qu'on pourrait le penser de tomber sur ces vidéos-là autrement que par le festival. Ah, j'imagine que pour des compagnies comme Red Bull, par exemple, une vidéo qui a été faite en lien avec Red Bull, peut-être que dans la prochaine année, Exactement. Festival. Genre, après le 21 mars, la tournée va être terminée au Québec. En tout cas, peut-être qu'on... Il y a des bonnes chances, on va l'espérer. Hein. Mais oui, tout à fait. On veut voir ça, mon Dieu. C'est ça. Fait que c'est ça, le... Hey, ça en fait des films à voir, ça, et vous avez encore la chance d'aller voir dans d'autres villes du Québec. En c'est 3 heures de films qui valent réellement la peine. Le 100 km que vous allez investir en temps et en gaz et en kilométrage également, valent réellement la peine. Oui, c'est ça, si vous avez un fat bike, allez-y, ça va coûter moins cher, puis... ça vaut la peine, le temps n'est pas compté quand il s'agit de films... de ce genre, disons. Si le gars a fait le tour du monde avec son vélo, là, vous pouvez bien faire Trois-Rivières à Montréal. Mais écoute, je trouve ça intéressant quand même parce que ça m'a amené à penser comment est-ce qu'on pourrait partir de ce genre de concept-là, ce genre de De festival? Non, l'idée du Tour du monde? Oui, l'idée du Tour du monde. Comment est-ce qu'on peut partir avec cette idée-là et réellement la réaliser? Exactement, mais il y a ça. Mais faut prendre en considération qu'après 8 ans d'expérience pour avoir travaillé au sein du service à la clientèle chez Atmosphère, je voyais son équipement et je peux vous dire que Ben Page était très, très bien équipé. Il y avait plus que quelques milliers de dollars sur son équipement, différents manteaux Arc'teryx, plus de 1000 dollars de valeur pour aussi chacun des vêtements individuellement. Il y a des fortes chances parce qu'on ne part pas sur le fly comme ça sans être bien équipé, surtout pas dans ton petit sac banane puis non. Mais tu sais, souvent c'est des gens qui sont passionnés de plein air, c'est des gens qui veulent toujours pousser leurs limites encore plus loin. Exact. C'est même jusqu'à voir dire qu'ils ont jamais une limite là. Mm-hmm. Donc de décider de faire le tour du monde comme ça, c'est probablement parce que tu as déjà fait tout ce que tu voulais faire, puis là tu sais plus ce que tu veux faire. Ben, j'ose espérer, mais au début de la vidéo, Ben Page se présente comme étant un jeune de londonien qui n'a pas d'emploi. En fait, il l'avoue lui-même. Oui. Lui, il part. Je suis sans emploi, puis j'ai seulement eu l'idée saugrenue de faire le tour du monde à vélo. Je pense que on a tous quelque chose à faire. Une pocket list avant. Exactement. Ouais, probablement que sa pocket list à lui, c'était de faire le tour du monde en vélo. Puis c'est quand même tout à son honneur. Puis pas avoir de job à ce moment-là, c'est pas mal le moment parfait pour y aller. Ça te donne le temps, en tout cas. Si tu t'es fait un petit coussin financier. C'est ça, exactement. Je me suis dit probablement qu'à 24 ans, sans compter les sponsors, probablement que papa, maman devaient être quand même dans les parages. J'ai beaucoup de mal à croire que ça n'aurait pas lieu d'être, là. J'aime. Parce que sinon, si on regarde, si on revient avec M2 Twin Galaxy, nos trois athlètes qui ont fait le tour du Groenland, également, c'est une aventure qui est très, très onéreuse, très coûteuse. Juste au niveau de l'équipement, au niveau du transport, parce qu'une fois qu'ils sont à 1000 km au fond du Groenland, on doit quand même envoyer une équipe les chercher, chercher le stock, chercher... Fait que c'est ça, ça nous amène à penser comment est-ce qu'on peut réellement débuter ou l'idée d'aventure à ce moment-là, est-ce qu'elle est accessible à tous? Je vous invite à lire ma chronique aux ondes campus. J'ai fait une petite connexion, c'est sa première chronique, puis fait déjà des plugs, ça va bien dans l'affaire, ça va bien. Et je suis un vendu. C'est ça, on va te lire aux deux semaines, aux deux semaines, c'est-à-dire une fois sur deux dans le blog zonecampus.ca. L'autre fois, c'est dans le journal papier et le blog. Tes premiers sujets, mettons, ça c'est le premier. Le premier, le deuxième, un petit spoil rapide. Je vais faire une interview avec un jeune entrepreneur en fait qui pratique en fait couramment l'escalade et qui a parti son centre d'escalade à Repentigny. Qui a parti son centre d'escalade à Repentigny de bloc. Puis c'est ça. En fait, c'est joindre les études parce qu'il est également étudiant au baccalauréat en kinésiothérapie, kinésiologie. Puis c'est ça, en fait, entrepreneur, grimpeur, étudiant, comment joindre l'utile, l'agréable, puis à savoir ses peurs, qu'est-ce qui pourrait l'angoisser par rapport à ce genre de décision-là, ce projet-là. Ça devrait être très intéressant. Oui. Je vous invite à venir me lire lorsque vous aurez un petit 5 minutes. Dans Zone Campus, le journal étudiant, et puis sur zonecampus.ca. Nous, on va te retrouver toutes les deux semaines. On l'a dit en début de chronique, ça va être tous les lundis matin. Pas dans cette case horaire-ci de 9h30, on va te retrouver à 8h. Exactement. En début, deuxième heure environ. Ça va être différent comme ambiance. Ça va me faire plaisir, en fait, 8h le matin, de prendre un petit café avec vous, puis nous réveiller tous ensemble. C'est ça le but. On va trouver d'autres choses sur nos bucket list dans les prochaines semaines et on va parler de plein air avec toi. Donc, aux deux semaines. Merci beaucoup, Antoine Ricard. Merci à vous. Merci à vous. Très plaisant. Très bonne première chronique. Oui. Nous, on a le pouvoir d'amener n'importe quel chroniqueur qu'on veut avoir et en ce moment, on veut avoir Dominique Notmamungo et Voix d'Afrique.

peut-être que c'est le plus récent, je pense que c'est peut-être la chanson de Johnny Cash, mais c'est ça, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Faut faire des recherches. Faudrait vérifier. Entre des, il y a des millions d'années et dans les années. Dans les années 60, ouais. Donc, parlant de Ring of Fire, ben c'est ça, en fait, le en même temps, ça se veut toujours un peu une réflexion aussi en gang. Hein? Un petit commentaire, une discussion de salon. C'est ça. Puis moi, une chose que je trouve magnifique, en fait, c'est Tania n'est pas une chose. La relation. Non. Cette chose. Non, son téléphone, par contre. Oui, c'est ça. Blague, ça, c'est une blague qu'on est juste les trois, on va comprendre. Ouais, rendu André, c'est traître. Traître envers qui? Envers toi? Ouais, envers moi. Je pensais qu'on était amis. Franchement, Mathieu. Hein? C'est ça. Non. Elle est revenue du côté. Du côté lumineux de la force. C'est ça, exactement. Donc. Ring of Fire. Missouri à Portland. Android. Donc, trêve de trucs inintéressants. Ouais. Fanboyisme. On va se le dire. C'est ça. Ben, moi, une chose que j'ai trouvé magnifique, c'est le rapport des Américains aux armes à feu. OK. Puis là, je vais ouvrir une porte. Parce que là, ici aussi, on en a du monde qui sont « Ah, registre des armes à feu, c'est un peu de la merde, puis nanana, puis tout. » Puis là, on parle pas de la même affaire en partie. Non, c'est le pas registre des, le registre des armes à feu au Québec, bon, c'était une tentative d'immatriculer les armes à feu qui existaient au Québec. Comme les voitures, les motos, etc. C'est ça. Ce qui, en soi, est une bonne idée. Il me semble. Le problème, comme dans bien des affaires, c'est pas que l'idée était mauvaise, c'est que ça a été mal fait. Ah. Ah, OK. Ça a été fait d'une manière qui coûtait extrêmement cher, ce qui en a, puis qui créait pas mal de problèmes aux gens qui possédaient des armes à feu, puis pas qu'ils voulaient faire du trouble avec. Puis là, ce qui avait souvent été dit à l'encontre de tout ça, tu sais, le gros argument qui faisait, c'est que, ouais, mais quelqu'un qui veut vraiment faire du trouble, il va pas prendre une arme enregistrée de toute façon. Non, puis là, ça. L'idée, c'était que, oui, effectivement, sauf que s'il faut enregistrer, si les gens honnêtes enregistrent leurs armes à feu, ça fait pas mal moins d'armes non enregistrées en même temps, fait que ça leur complique la vie. Mais ben, c'est sûr qu'il faut, tu sais, c'est du cas par cas. Dans ce cas-là, à Parkland, le gars avait acheté ses armes légalement. T'sais. C'est ça. Puis c'est là qui est une chose intéressante. C'est que là, une chose importante à savoir en partant, puis je vais probablement répéter là encore, c'est là que je dis, je m'excuse, j'ai pas la statistique exacte. Non, mais là, on arrondit. Mais au Canada, en fait, en sol canadien, on a beaucoup plus d'armes à feu. Puis là, c'est ça, c'est là que c'est important. D'armes à feu en général. Ouais. Ouais. Donc, ou pas, hein? De tuyaux que tu pèses sur une gâchette puis qu'il y a un projectile métallique qui en sort à haute vélocité. on en a beaucoup, beaucoup plus par habitant au Canada qu'en a aux États-Unis. Par enregistré, habitant. Pas enregistré, name it. Okay. On en a beaucoup plus par habitant. Puis là, on se dit, ouais, mais Colin, les Américains, ils sont tout le temps atteints leurs armes, puis c'est un droit dans la Constitution, puis nanana, puis bon. Ben oui, on en a quand même plus qu'eux autres. La grosse différence, en fait, c'est qu'en termes de nombre, effectivement, on en a plus. Par contre, au Canada, les armes semi-automatiques, c'est illégal. Ouais, ouais. Les armes automatiques, c'est illégal. Les armes, en fait, qui servent à pas tuer du gibier, par exemple, mais qui servent à tuer du monde à Parce place. Que quand tu tues un animal, une balle, recharge, attente, deuxième balle... Okay. À la limite, double les shotguns à deux canons, ces choses-là. Mais pas plusieurs dizaines de balles en même temps. Des armes de chasse, c'est ça qu'on a au Canada. Ouais. Dans certains cas, on a des armes de poing, mais là encore, c'est très réglementé. Il faut que tu aies une raison d'acheter une arme de poing. Pour avoir le droit d'avoir une arme de poing, ça prend un permis, puis il faut que tu aies une raison d'avoir ce permis-là. Tu peux pas l'avoir juste pour le fun. Puis même, j'ai vu un petit montage sur Internet qui montrait la différence entre le Japon, qui a virtuellement pas de crime avec des armes à feu. Ils disent au Japon, ça je me rappelais du chiffre, la police japonaise dans tout le Japon complet. Puis là, il faut se dire que le Japon, c'est populeux en tabarouette. Oui. Ouais. Il y a plus de monde au Japon qu'aux États-Unis. Là. Ouais. C'est une moyenne marge à part de ça. La police japonaise, en moyenne, ne dégaine leur arme à feu que 10 fois dans une année. Wow. Des policiers japonais, ça arrive 10 fois dans une année. Ouais. En moyenne. C'est effrayant, là. 10 fois dans une année, c'est même pas ce qui se fait par heure aux États-Unis. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est... Bon, donc, c'est quoi le rapport aux armes aux États-Unis? Il y a toute cette espèce de relation bizarre-là que c'est un peu une espèce de... quasiment de question identitaire, puis de... Puis pourquoi... C'est une extension de leur engin. C'est ça. Ben, c'est... De leur main, du moins. En tout cas, c'est une extension de leur personne. Voilà. On va dire ça de leur personnalité. De quel bout de leur personne... Ça, c'est une autre discussion. Celle qui dégaine à haute vélocité. Oh my God, man! Mais... Moi, je vais y laisser le droit, Tania, le matin, parce que c'est quand même un sujet un peu lourd. On parle de tout. 7h40 à matin, là, lâchez ça. Je suis là pour ça, Tania. Rendre ça vraiment léger et même quasiment épais comme ta gueule. Ouais. Donc, c'est ça, tu sais, on sera deux, right? Ouais, deux Android contre un Apple, deux sérieux contre un drôle, pas drôle. T'sais. Exactement. Donc, c'est ça. C'est un peu ça, l'espèce de drôle de relation que les Américains ont avec leurs armes. Puis, j'ai peut-être pris un peu l'histoire à l'envers. En fait, dans ma tête, j'étais pour conclure avec ce que je viens de dire là. En fait, ce qui m'a fait... les tueries aux États-Unis, c'est tristement rendu presque banal, en fait. Ça en est une des plus grosses depuis longtemps, en fait, depuis Sandy Hook. Ouais. Celle-là, d'ailleurs, on se demande si Alex Jones va prétendre que ça a encore été stagé. J'espère que non. Ah, mais ça commence déjà, hein? Ça commence déjà sur Twitter de prendre des photos de ces supposément crisis actors, donc des gens qui sont des acteurs de crise qui sont engagés pour figurer et faire des entrevues à la télé pour toutes les tueries ou autres événements comme ça, comme si c'était des acteurs qui sont là pour le lobby anti-armes américain. C'est absolument la pire affaire. Imagine les familles là-dedans qui se font dire que leurs enfants qui sont morts, mettons. Ah, moi, je me rappelle que quand on était vers la fin du secondaire, c'était dans le temps qu'il y avait eu Dawson à Montréal. Ouais. Puis, il y avait incorporé, tu sais, à la place de l'exercice de feu, c'était l'exercice de fusillade. De fusillade. On est rendu là. Ouais. Ouais. Je sais pas s'ils font aux États-Unis. Ils en font. Tu viens de me faire sentir vieux. J'étais déjà à l'université, moi, quand c'était. Ah, mon Dieu. Moi, tu vois, j'ai rien dit. J'ai préféré rien dire. Bon. Ben, il me semble que j'étais au secondaire. J'étais peut-être au cégep, en fait, Dawson. Ben oui, parce que. Ah, en tout cas, je suis au collège d'après. For our life to be over. Mon Dieu. Oh, my God. Ouais. Ça aussi, j'étais déjà à l'université quand tu. Non, c'est pas vrai. mais on le souhaitait tous, mais bon. Mais c'est ça, puis en même temps, c'est pertinent parce que ça peut arriver. Mais au Québec, on en a eu quelques-unes. Justement, il y a eu le collège Dawson, puis la fois d'avant, c'était la Polytechnique des années 80. Et je veux dire, ça, j'étais pas né quand c'était arrivé. Ouais. T'étais pas à l'université? J'étais à l'université. À Nantes et à Nantes. Ma mère était enceinte de moi, donc c'est non. Ça. Mais sans faire. T'as mis ta mère enceinte, c'est vrai. Mathieu. Non, celle-là, non, Mathieu. Non, celle-là, on ne laisse pas sur pas de 7h40. Si on sélectionne les gars, ça nous enlève. Mets de l'argent dans le pot, celle-là. C'est ça. Celle-là, tu peux pas. Mais, please on don't. On salue la mère, c'est pas ça. Elle nous écoute, probablement. Hey! Elle va vraiment me texter d'ici 5 minutes. le temps qu'elle trouve son téléphone. Mais. Sur l'Android, le temps qu'elle attend que ça lag. Oh! Non, le temps qu'elle trouve sa sacoche. Ouais. Bref. Hey, c'est en train de virer c'est d'un bon ouais, c'est n'importe quoi, même moi, j'ai participé ce matin. Mais, ouais, c'est ça, donc... Il y en a eu quelques-unes au Québec. C'est ça, il y en a eu, pas beaucoup. Non, mais aux États-Unis, il y en a tous les semaines, en fait. Ouais, mais c'est juste fou, là. À cette heure, c'est rendu qu'il en parle juste quand il y en a une grosse. Ouais, clairement. Le breaking news est dans le scroll en bas de l'écran à place de faire les grosses. C'est quoi les statistiques? Hier, je disais, il y en avait eu... 5 au Canada, quasiment une en 2018, un peu partout dans le monde. Ouais. Puis aux États-Unis, on est déjà à 212. Oui, juste en 2018. Mais là, évidemment, on parle de tout ce qui a fait des blessés ou des morts en termes de par armes à feu, c'est ça? Oui, c'est ça. Des crimes violents liés à des armes à feu. Pas nécessairement des fusillades. Il y avait eu Ottawa aussi, le gars qui est rentré dans le Parlement en tirant un peu plus oui, tôt. Oui, c'est vrai. L'Ortiz, c'est 2010... vrai, effectivement. Non, non c'est pas, pas 2016. Oh, 2016. Bien après l'Ortiz. C'était en même temps, il y en a eu comme deux back-to-back quasiment. Ouais. Ouais. Il y avait celui là, qui était à Saint-Jean-sur-Richelieu, je pense. Mm-hmm. Ça, celui qui était rentré avec un... Il avait foncé sur tout le monde avec son char. Là. Oui, exactement. Ouais. C'était quasiment en même temps. C'était, je pense qu'il y avait deux semaines d'intervalle entre les deux, à faire la même. Mais ouais, c'est ça. Puis là encore, tu sais, on parle de ça, mais c'était avec sa voiture qui rentrait dans le fond. Il avait même pas d'arme à feu. Ça compte pas. C'était un militaire, je pense, en plus, le gars. Ou non, ils font ça sur des militaires. En tout cas, je me rappelle plus. Je pensais pas. Ouais, celui de Saint-Jean, ouais, il fonçait sur des militaires, mais celui au Parlement, il avait rentré et il avait tiré dans le Parlement. Puis, mais c'est ça. Donc, l'accès aux armes à feu. C'est un gros sujet aux États-Unis. Excusez, j'ai complètement perdu le fil. Non, mais c'est ça. C'est un normal. Gros sujet. Léa, t'as une émission du matin, on peut faire ce qu'on veut. Pas mal ça. Tu sais, je dis ça à mon émission qui est à 5h le soir. Ah, c'est parfait. 6h le soir. Il est toujours 7h le matin quelque part. Ouais, c'est ça. Il est 7h le matin quelque part d'avant. T'es à l'heure de Pyeongchang. Oui. C'est ça, exactement. Tu sais, le bobsleigh. Hein, ben oui. Puis tout. Les. Donc, c'est ça. Reprenons la route. Oui, le rapport aux États-Unis, oui, le rapport aux armes aux États-Unis, c'est qu'une des choses que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça ressortir d'un commentateur, puis d'un... mais que au début des années 2000, quand il y a eu entre autres Columbine, qui était la grosse tuerie pendant longtemps, il y a eu d'ailleurs excellent film fait sur le sujet, Bowling for Columbine, de... Michael Moore. C'est pas le rappeur. Michael Moore. Hein, les enfants, écoutez comment. D'ailleurs, ça, c'est magnifique, ce film-là, parce que tout le long, il parle à du monde, puis tu te rends compte qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ah oui, hein. Puis, il y a le bout de ce qu'il parle à Marilyn Manson, parce que dans le temps, les deux kids qui avaient fait Columbine, il écoutait du Marilyn Manson. Puis, tout le monde disait, ah, c'est à cause de la musique violente, les bandes dessinées, les films. C'est ça, puis. Puis ben, dire, ah, ben, c'est entre autres, c'est des fans de Marilyn Manson. Fait que Marilyn Manson, il y a une licitation à la haine là-dedans, puis tout. Puis, Michael Moore interview Marilyn Manson en full make-up, puis tout. Ouais. Donc, si vous savez pas c'est qui, parce qu'à Star, les Huns le connaissent plus. Mais non. Googlez ça pour le fun. Marilyn Manson. Surtout démaquillé. Surtout maquillé avec ses verres de contact colorés, couleur, là, un blanc, un jaune. Ah, c'est des verres de contact, ça. Verres de contact. C'est pas un verre de vie. Hey, ça, c'est drôle d'ailleurs. Photo de lui. Pas maquillé. Ouais. Ah ouais? C'est comme, t'es un petit gros, là, tu sais. Ouais. Il a pris du poids les dernières années. Ben oui. Il fait encore des CD d'ailleurs, ça. Il avait pas grand-chose de ça. Là. Il fait encore des CD. Ils sont à chier, mais. Des CD. Mais c'est ça. Mais moi, c'est parce que c'était mon. C'est la musique de mon adolescence, tu sais. Ah, mon Dieu, hein? Ouais. D'ailleurs, de son vrai nom, Brian Warner. Ah, c'est moins hot. Ouais, hein? Pas mal moins badass que. Il est comme. Il est comme vraiment un peu plus cute, maquillé, mettons. Ouais, c'est ça. Il est pas particulièrement. Ah, c'est fou ce que ça fait le make-up, hein? Bref, googlez ça. Hein? C'est ça. Il y a le, ben ouais, surtout, Tania vient de sortir une photo. Il a carrément l'air d'un. Il a joué dans une émission, là. Mais mine de rien, il est rendu à. Il est vieux. Il a fin quarantaine, je pense, là. Oh my God. Hein? Ah, ouais. Il y a un double menton, ça, c'est drôle. Bon. Mais en tout cas. Fait que c'est ça, bref, Marilyn Manson, il a été interviewé. Puis dans le temps, en partant, il y avait. Fin vingtaine, début trentaine, je pense que c'était dans le sommet de sa gloire, mettons, à la fin des années 90. Il est en. Ben, le film a été fait début des années 2000, il avait les cheveux longs et full make-up, tout le kit, puis ça avait l'air d'être quand même la personne la plus saine d'esprit là-dedans. Ouais. En fait, c'est ça que le monde ne savent pas, c'est que c'est un intellectuel à la base. Ouais. Ben, il fut un temps, il y a eu des problèmes de consommation, mais avant, c'est chaud, mais depuis justement, là, quand il y a eu des problèmes, dans la fin des années 90, c'est cliné complètement. La seule affaire qui se met dans le corps à cette heure, c'est du thé vert. Ouais, il fait de la méditation, puis il boit du thé vert avant, c'est chaud. Ouais, c'est ça, ils sont plusieurs à faire ça. Hein? Ouais, c'est ça, ça fait partie du cycle de vie de la rockstar. C'est ça, change la coke pour du matcha. Ah, ouais, c'est ça. On va faire ça. Drette des veines. c'est ça. Bowling for Columbine, ça vaut vraiment la peine d'être écouté, ce film-là. Le titre, en fait, ça fait allusion au fait que ces deux jeunes-là qui avaient fait le. C'était de montrer un peu l'absurde. On disait que. Ah, ils font, ils jouent à des jeux vidéo violents, c'est ça qui leur a donné l'idée. Puis ce que la thèse un peu de Michael Moore dans le film, c'est qu'il dit que, en fait, ces deux jeunes-là, ils étaient aussi dans l'équipe de bowling de l'école Columbine, dans le fond. C'était comme leur choix d'activité physique. Il y avait ça. Ouais. Puis il dit, on pourrait autant déduire que les gens qui font du bowling sont violents. Ouais. Ça serait autant logique. On va dire comme un meme que j'ai vu sur internet aux États-Unis, c'est ça, le monde dit, ben, pis c'est encore en train de sortir, ah, t'as cause des jeux vidéo violents. Ben oui. Ben des jeux vidéo violents, il y en a partout dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a 100 fois plus de morts par arme à feu aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde? Hein? Ça c'est juste pas comme argument. La musique rap, même affaire. Il y en a partout dans le monde. Pourquoi c'est juste aux États-Unis que ça ferait tuer du monde? C'est l'accès aux armes. Ouais. Il y a des armes partout. Mais là, ils vont pas qu'ils en ont plus par habitant, mais elles sont plus facilement accessibles. Puis, ils ont, comme je disais, c'est l'accès surtout aux armes qui sont plus dangereuses. Ouais. Tu sais, un shotgun deux coups, là, on s'entend-tu que c'est ça que tu prends pour aller chasser de dindons? Mais c'est pas avec ça que tu fais une tuerie dans une école secondaire. Non, tu vas tuer tu des peux gens. Shotter deux personnes, puis après ça, ça te prend 3 minutes à le recharger. Puis tu vas faire arrêter, puis t'auras pas fait plusieurs dizaines de morts ou de blessés. C'est ça. T'sais. Mais la phrase qu'on entend tout le temps, les fusils tuent pas le monde, c'est le monde qui tue du monde. Hein? Ouais, on entend tout le temps ça, mais tu sais, un lave-vaisselle lave pas, tu sais. Un lave-vaisselle lave pas ta vaisselle, c'est les gens qui lavent ta vaisselle. C'est quoi ça? Ça marche pas, t'sais. Mais c'est quand même, si t'enlèves le moyen à quelqu'un de faire de quoi, tu sais, c'est un mauvais argument en fait. Ouais. si t'enlèves, oui, effectivement, il y a une différence entre être une condition de rendre le geste possible et être le comment je dirais, le coupable du geste. Du crime. L'arme n'est pas coupable du crime. Non, tu c'est es ça. Coupable, par contre, mais t'as besoin l'arme de l'arme est un du moyen du crime. C'est toi qui a décidé d'aller tirer le monde, pas le gun qui s'est dit « Prends-moi! » Le gun est un... Parce que ceux qui disent ça, en fait, ils disent une évidence. Un arme, c'est pas un être moral. Non, c'est ça, exactement. C'est un objet. Tu peux pas condamner un crime sur un arme. Non. Mais en même temps, tu viens tout juste de dire l'arme t'a pas dit allez, allons commettre un crime. Mais apparemment, que je disais un article que le gars à Parkland avait entendu les voix d'aller tuer du monde. Ben oui, mais c'est. C'est le problème mental aussi. C'est sûr, hein? Mais s'il n'y a pas de fusil, il n'y a pas tué du monde. Ça, c'est une autre affaire. Il y en aussi. A plein aux États-Unis qui disent ça, là. Oui. Ouais. Puis d'ailleurs, une affaire, c'est pas rien que la santé mentale, parce que le tu sais, dire que, ah oui, les problèmes de santé mentale, c'est ça qui fait tuer du monde, c'est un peu comme de dire que les... c'est un peu comme le monde qui dit « Ah, j'étais sous, fait que ça compte pas. » Ah, c'est t'sais? Un bon point. Ouais. Je veux dire... Assume. Encore, je... Non, c'est sûr que déjà, à la base, pour avoir l'idée d'aller tirer du monde, il faut qu'il y ait deux petits fils qui se touchent, c'est là, mettons. Ouais. On s'entend que c'est ça, exactement. Il y a un problème électrique qui pète à un moment donné, il y a une fusible qui lâche quelque chose. Mais de blâmer tout ce que tu fais par rapport, mettons, à justement cette arme-là, le crime ou peu importe, sur ça... Mais une personne avec une maladie mentale, sans arme à feu, tu n'auras personne. Mais non, exactement. Mais puis même là, quand que ta maladie mentale, ton trouble de santé mentale, c'est d'être complètement déconnecté de la réalité, de juste qu'il n'y a plus de lien entre ce que toi, tu perçois et ce qui se passe autour. Dans la réalité, là, ça peut te rendre non criminellement responsable. Ben oui, c'est vrai. Par contre, sinon, dans un cas de même, c'est un facteur atténuant. Parce qu'il y a une différence aussi entre un trouble de santé mentale comme... une dépression, un trouble bipolaire, des choses comme ça. Combien qu'il y a de gens qui vivent une dépression, on dit que c'est rendu le mal du 20e siècle, du 21e siècle, excusez. On s'entend, là, si tout le monde qui avait des troubles de santé mentale se mettait à tuer du monde, il n'y aurait plus personne debout à l'heure qu'on se parle. C'est ça, il n'y aurait pas grand monde. En tout cas. Tu sais, c'est ça aussi à mener. Par contre, c'est parce qu'il y a des choses aussi comme... la complète dissociation de la réalité, c'est une affaire. Il y a aussi simplement le fait d'avoir je sais pas comment dire ça, puis ça peut toucher à la santé mentale, mais non en même temps. Puis c'est de dire que, mettons, c'est quelqu'un qui en est venu à développer des pensées qui étaient que c'était une bonne affaire de tirer sur du monde, mais ça, c'est parce comme que... Comme Polytechnique, par exemple. Ouais, c'était pas un problème mental, c'est juste qu'il en voulait tellement aux femmes. C'était comme tel, c'était pas tellement... C'était plutôt un problème, on pourrait dire, sociologique en quelque part, là. C'était un anti-féministe convaincu et militant, là. Exactement. T'sais, de la même manière qu'il y a du monde extrêmement convaincu qui cogne aux portes du monde le dimanche matin pour essayer de les convertir. Juste version extrême. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ça. Mais c'est tout le temps aussi cette optique-là. C'est tout le temps dans les extrêmes. C'est très, très rare que tu vas voir quelqu'un, par exemple, plus ou moins extrémiste qui va décider de faire quelque chose comme ça. Il faut que tu sois convaincu à 100% de faire un geste comme ça. C'est pour ça que des fois, des choses comme ça, faut arrêter de dire que s'il y a des problèmes de santé mentale, c'est des problèmes comme sociologiques à un moment donné. Puis une des affaires, quand que tu te fais normaliser, puis tu te fais... Parce que là, tout ce qu'on entend, là, c'est enlever des responsabilités, en fait. T'sais, tout ce que je parle depuis tantôt des commentateurs qui disent ci puis ça, c'est juste du monde qui essaye d'enlever de la responsabilité. Ouais, c'est de dire, c'est à cause des jeux vidéo, c'est pas de sa faute. T'sais, ça revient à dire, c'est pas de sa faute, c'est à cause des jeux vidéo. Quand il était un jeune enfant impressionnable, la société lui a mis des jeux vidéo dans la face. Sûr que c'est ça le problème. Puis là, ça amène tout un problème, en fait, le problème du libre-arbitre, à quel point est-ce qu'on est libre de nos choix ou à quel point est-ce que c'est les influences qu'on a eues qui nous ont amené à faire ça. Mais ça, c'est tout un problème. Généralement, à un moment donné, on considère que c'est parce qu'à un moment donné, quand t'es rendu surtout à faire un geste extrême comme ça, c'est que t'as quand même le choix de prendre ces influences-là ou non. Oui. Puis qu'est-ce qui... tu sais, comme je disais, des jeux vidéo violents, il y en a partout dans le monde. Ben puis il y a juste aux États-Unis qu'il y a autant d'actes de criminalité comme ça. Ce qu'on constate souvent, les autres places dans le monde où ce qu'il va y avoir des tueries dans le même genre, souvent, il y a tout un gros côté idéologique derrière ça. Il y en avait eu en Norvège, il y a quelques années aussi, là, que ça avait été, c'était des enfants, puis tout, puis c'était, c'était vraiment sur des questions politiques. Là. C'était un anti-démocrate, en fait, qui avait fait ça. C'était un genre de fasciste là, qui avait commis ces gestes-là. C'est souvent des choses comme ça, en fait. Là. C'est des gens là, extrêmement... quel autre mot utiliser, Politisé, politisé, mais d'une manière là, extrêmement idéologique, là, une idéologie extrêmement fermée, puis fait on sait pas exactement, ça avait l'air d'être un peu, en fait, puis ça, moi j'ai tout un peu un malaise de toute façon avec les sources de plus en plus que je vais chercher pour ces sujets-là. C'est beaucoup des commentateurs, en fait, puis la plupart, en fait, essayent de le moins possible parler de la personne qui perpétue ces actes-là, ouais, parce que... même juste dire son nom, ça le glorifie. Montrer son visage, c'est pour éviter de le glorifier, parce que là aussi, c'est une espèce de c'est ce qu'ils veulent, en fait, ben, probablement. C'est ça, ben, d'une certaine manière, ouais. Oui. Puis de ce que j'ai cru comprendre, c'était un peu ça sa motivation à celui-là, en fait, c'était d'avoir son 15 minutes de gloire. Mm-hmm. Fais une vidéo poche sur YouTube, ouais, en avoir ça. Aussi 15 ça va faire pareil, mais c'est pas le Montréalais là, qui décapitait des chats aussi, yeah, là, Luca Rocco-Magnotta. Ouais. Lui aussi, c'était ça. C'était simplement de pouvoir avoir son moment de gloire. Ouais, mais il y avait un petit fond sadique aussi. Ouais, puis ça, c'était tout un affaire. Ouais. Magnotta, c'était toute une histoire, ouais. D'ailleurs. Là, lui, c'était un moyen cas de plein de choses. Ouais, ouais. On n'essaiera pas de le diagnostiquer en nombre. Non, mais je pense qu'ils ont encore de la difficulté à le faire. Ouais, c'est ça. Mais donc c'est ça tout ça pour dire qu'il y a un paquet de choses, puis que, ben, comme je disais, c'est peut-être un peu là-dessus que je vais conclure, parce que j'ai scrappé ma conclusion au début de la chronique. Spoiler. Mais c'est qu'en fait, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs, mais le facteur qui semble le plus apparent quand même, si on enlève toutes les questions qui reviennent un peu à essayer de déculpabiliser, puis de justifier puis de porter le blâme sur des trucs un peu externes, mais c'est qu'à un moment donné, si on veut que ça arrête d'arriver, parce que des fucking memes, on en a aussi au ben Canada. Oui, c'est juste que trouver un... Parce que, tu sais, quand je disais des armes semi-automatiques, des armes automatiques, puis des armes qui sont faites pas pour chasser ou pour des trucs comme ça, mais qui sont faites pour tuer du monde. Pour pleuvoir des balles. C'est ça. C'était un AR-15 qui a été utilisé, qui sont utilisés dans la plupart des tueries aux États-Unis. Ouais. C'est facile à acheter aux États-Unis. Il n'y a pas des longues démarches là, pour l'avoir. Là. Ouais. Mais faut quand même c'est dire, en même la journée, il faut qu'ils fassent un appel, puis après ça, ils te le vendent. Ouais. Je sais qu'il faut dire que Trump a amené un projet de loi par rapport aux bomb stocks pour les guns, les fusils, il me semble. J'ai vu quelque chose passer là-dessus hier. Un projet de loi qui va être amené au Congrès, je sais pas trop. Ouais, pour l'instant, c'est rien. Il a dit que ça allait... Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on est dans une année électorale aux États-Unis. Ça va peut-être changer bien des choses, puis... Mm-hmm. Ça a peut-être été le ça, c'est dur à dire d'avance, surtout qu'on n'est pas aux États-Unis, mais ça a peut-être été la tuerie de trop, en fait. Ouais. Ça, de plus en plus, il y a du monde qui traditionnellement était pro-armes, on va dire, qui se présentait pro-armes, puis qui font « ouais, faut peut-être falloir qu'on se calme un peu là-dessus ». Ben oui, clairement. Parce que même le pro-arme typique a lui-même probablement même pas une arme automatique. Il y a souvent un shotgun accroché dans son truck. Il y a des armes un peu partout, mais la plupart auront même pas des armes automatiques. Les chiffres le montrent que même ces gens-là qui sont fans de fusils veulent pas de ces affaires-là. Les chiffres sont clairs. Ben, c'est qu'une des affaires. L'argument général pour le je me rappelle plus c'est le quelième amendement dans la Constitution américaine, mais celui qui dit que t'as le droit de posséder une arme. Ouais. Deuxième amendement. Ouais, c'est ça, c'est quel amendement. Ouais. Ben, tu sais, c'est pour défendre ta demeure. T'es chez vous, tu te fais attaquer, tu commences à tirer avec un AR-15, tu démolis ta maison. Ouais, c'est ça. C'est con, mais c'est pas efficace en plus. Ben, appelle le 911 de toute façon. Pour commencer, mais... C'est ça qui me fait rire, c'est que cette arme-là, je veux dire, n'importe qui a joué un peu à des shooters, des jeux vidéo là, de guns, d'armées, n'importe quoi, AR-15, là, c'est un assault rifle, c'est fait pour tirer de loin et vite. Ouais, ouais, exactement. C'est quand tu cours vers le... Non, c'est comme couper ton steak avec une chainsaw. C'est la même chose. Exactement. Hey, j'ai réussi à faire une comparaison. C'est fait pour faire du dégât. Fait que tu veux pas défendre ta maison avec ça de toute façon, tu sais. Ouais. Ceux qui achètent ça, c'est le monde, c'est pour le trip de le vider. Oui, c'est ça. Est-ce que leur côté patriotique, leur côté très, très militante, armée... Paradoxalement, ouais. C'est le contraire. Parce que le Second Amendment, c'est très, très clair que c'est... C'est musqué, ça. Hein? Pour te permettre... Ben, dans le temps, là, on s'entend, ça a été écrit dans les premiers temps de la Constitution américaine. Là, c'est dans le temps que les fusils tiraient un coup et que ça prenait 10 minutes à charger. Là. tu sais, là, les hier, là, qui étaient comme tout en rang, là, oui. qui étaient bien en collant avec des gros manteaux, là, puis qui, tu sais, ils tirent, là, ils s'en vont en arrière, les autres puis arrivent là, en avant, ça leur prend 10 minutes à recharger, là. Ça, c'est trop. Moi, il y avait un défi. Ça prend quasiment une technique là, pour recharger le gun. Exactement. Ouais. Ben, c'était ça dans le temps. C'était ça, une arme à feu. Fait que c'est sûr qu'ils disaient, ah, tout le monde a le droit. Quoi. Ben là, oui. Tu peux pas faire grand dégâts avec ça. Tu faisais plus de dégâts qu'une épée qu'avec un gun dans le ouais. temps. Tu sais. Ouais. C'est sûr que c'est pas pareil. Là. Mais, tu sais, one-on-one, là, on s'entend. Mm-hmm. Ouais. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est que dans la justification du fameux deuxième amendement, en fait, tu disais, Tania, c'est mm-hmm. « Ah, c'est-tu parce qu'ils sont patriotiques ou de quoi? » Au contraire, la justification à l'époque, c'était de te défendre contre le gouvernement. Mm-hmm. OK, ouais. Si jamais le gouvernement voulait empiéter sur tes droits et libertés, t'avais le droit de posséder des armes pour te défendre contre le bras armé de l'État, mettons. C'était pour mm-hmm. pouvoir créer des milices citoyennes puis des choses comme ça. Parce qu'il fut une époque où les États-Unis étaient pas loin d'être une démocratie directe. En ouais, fait. C'est ça. À cette époque-là, en fait. Peut-être qu'il faudrait revoir cet amendement. Ben oui, c'est bonne chance. C'est ça que beaucoup de monde dit. C'est qu'il faudrait on modernise un peu ouais. tout à cause des nouvelles technologies puis tout. Puis ce mot t'as dit, cet amendement-là, je veux dire, on est 150 ans plus tard, puis... Les armes ont énormément évolué, mais il est resté pareil. Mais le problème, c'est vraiment les lobbies de la NRA, parce qu'ils donnent de l'argent aux politiciens, fait que les politiciens, ils feront rien, parce qu'ils sont payés par la NRA, qui est la National Rifle Association. On parlait de bump stocks tantôt, juste pour vous mettre à jour là-dessus. L'article est sorti hier, mis à jour ce matin, où le président américain a fait savoir qu'il voulait mettre fin à la vente de ce dispositif permettant un fusil de tirer en rafale quasi-automatique. Il a affiché sa volonté d'interdire les mécanismes qu'on appelle bump stocks dans la foulée de toutes ces fusillades-là. Une crosse amovible qui utilise l'énergie du recul de l'arme pour imprimer un mouvement de va-et-vient extrêmement rapide. Il a annoncé que ces textes, donc les projets de loi, devraient être finalisés prochainement. On va voir. C'est juste au moins pour le dire en cette fin de chronique. Ça s'en va du bon bord. Ouais. Mm-hmm. Au moins. Hein? C'est une bonne affaire. Ouais. Cela va-t-il passer? Cela va-t-il être bloqué? Je pense qu'à un moment donné, la fameuse NRA, il va peut-être être temps à un moment donné qu'elle se le calme un peu. Mais ils vont tous finir par mourir de toute façon. Pas par fusillade nécessairement. Non. Pas nécessairement. Il ne faut pas combattre le feu par le feu. Quoi, il y a des craqués de la gauche aussi. Là, quelqu'un de la NRA pourrait se faire gagner. Vraiment. Ouais. Bref. On donnera pas d'idées à personne. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Merci Sébastien. Ils n'ont pas besoin, je pense. Non, c'est ça, exactement. On fait du lobby pour une prochaine chronique. Ouais. Moi, je te pousse à faire même ça. Même pas. Mercredi prochain, 7h30, genre. Ouais, ça baisse bon sens. J'étais ouvert à ça. Baisse bon sens. Ouais. On se quitte avec une chanson. En fait, vous allez être peut-être surpris de l'entendre à 8h02. C'est une chanson du plus récent album de Marilyn Manson, Heaven Upside Down. Voici Kill For Me. C'est une chanson d'amour en passant. Un pacte sanguin entre deux amoureux. Supposément. Ouais, il en a perdu pas mal. Apparemment que c'est pas bon, c'est Sébastien qui l'a dit. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Thibaudot qui est en studio avec nous. Salut Thibaudot. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. C'est cool ça? Pourquoi est-ce qu'on parle comme ça? Je sais pas. C'est pas hein? Conversation de comptoir de cuisine. Ça arrive. Mais bref, donc Jimmy qui est là pour Gauche Herbe et Vue, sa chronique où il prend un sujet de la gauche, lui étant lui-même de gauche, et analysant, des fois suranalysant, des fois surpréparant quelque chose pour parler contre la gauche. Aujourd'hui, c'est ce que tu me dis, que t'es trop préparé, t'as trop de... comment dire, de recherche de fait, c'est ça? Ben, c'est ça, des fois, là, comme pour mes critiques de la gauche,

when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew, I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give still, you the DR. Representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the DR. Representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the DRE. It ain't nothing but mohawk. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your flop, laid back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting the corners and them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Try to be the king, but the ace is back. So you ain't up on things. Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't trippin', love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regard. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Like that? Right back up in you. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh-wee. Put it in the air. Air. Boy, you's a fool, D.R. Quel classique! Dr. Dre featuring Snoop Dogg avec Still Dre. Hein? Talia, ça te rappelle les souvenirs, ça? Eh hey, mon Dieu! Les parties des sous-sols de fond d'église. Ah oui, pas l'église de la Gare des Tucs, par contre. Non, non, malheureusement, non. Tu nous raconteras ça, tantôt. Ben oui. Léa Tessier qui est toujours avec nous pour son mash-up musical. Maintenant qu'on a entendu du Dr. Dre, tu veux nous parler un petit peu de rap? Oui. De G-Funk. De G-Funk. Excuse-moi les termes des fois. G-Funk. G-Funk. Le mélange entre le hip-hop et le funk. Ouais. Ouais, du coup, le funk, en fait, c'est c'était populaire dans les années 70. Il y a beaucoup d'instruments dedans, enfin, les batteries, basses, guitare, parfois du saxophone aussi, mais là, on n'a pas entendu. Non. Est-ce que tu vas avoir du saxophone dans tes autres chansons? Il y en a une, oui. Ok, j'ai hâte d'entendre ça. Je sais plus laquelle. Et ensuite, dans les années 80, c'était les synthétiseurs, les boîtes à rythme, voilà. Comme pour la musique électronique. Ouais. C'est un mélange de rap aussi, et c'est pas n'importe quel rap. En fait, c'est le rap de la côte ouest des États-Unis. Oui, W style, c'est comment ils font ça avec leurs doigts. West Coast represent. Ah, t'es capable, Tania est capable, moi je suis pas capable. C'est à pas confondre avec celui de la côte est, parce que... C'est sûr, la guerre. Ouais. Ouais. Entre les deux. En fait, la côte ouest, c'est plus fun qui est détendu dans les paroles, alors que côte est, c'est plus jazz. Ah. Et c'est plus agressif dans les paroles, en fait, ça parle de violence. Ouais. Dans voilà. Le ghetto. Ouais. Donc en fait le rap c'est un mélange de paroles avec des rimes, des couplets, des refrains. Mais c'est aussi, en fait dedans il y a ce qu'on appelle des samples. Ouais, on prend des extraits de d'autres chansons, voilà, d'autres c'est artistes ça. Et donc en fait bah, comme les DJ en fait font. Ouais. Et donc en fait bah, c'est ça. À la base en fait les rappeurs c'était ce qu'on appelle des MC, des maîtres de cérémonie qui chantaient par-dessus la musique du DJ. Et donc voilà, en fait, dans le G-Funk, c'est des samples de musique funk. Ce qui a du sens. Voilà. donc en fait, ça vient de la côte ouest des USA, mais ça s'est étendu en Europe aussi. Et bah, là, j'ai un groupe en fait qui est français, Oh! Parisien. OK. Et c'était un groupe de rappeurs qui sont connus au lycée. Il y avait un DJ avec eux. Voilà. En tout cas, ça, c'est quoi, ça? C'est Tout Simplement Noir, le groupe, et la musique, c'est la même. Voilà, on écoute ça dans le mashup musical. Jamais j'aurais cru qu'un jour j'aurais pu toucher le rollo. Maintenant que je suis bien là, fini le temps de vivre comme un prolo. C'est bien ce que je me disais, en ce moment-là, tout allait pour le mieux. J'coutais à la richesse, j'étais au top, j'étais heureux. Chaque fin de semaine, je donnais une petite résoie dans ma villa. À base de serveurs, ne pas faire, et tout tralala. Les gens venaient de partout et respectaient MC Biz. Mes ennemis aussi étaient là, en train de vanter la guigne. Mais j'en avais que faire, car j'étais millionnaire. Je me sentais intouchable, je voyais pas comment je pouvais faire. Mes affaires ont commencé à mal tourner. Mon comptable m'a dit de me calmer, trop de dépenses. J'étais en train de couler, mais j'ai pas calculé. J'ai continué mon train de vie. En bourgeoisie jusqu'alors, j'achetais dès que j'en avais envie. Puis soudain, clic clic, je n'ai plus de maille. Mon larfeuille est vide, et là, je me sens mal. À gauche, à droite, j'avais des dettes. Mon compte en banque était à sec. Ce qui disait et mes amis n'étaient qu'en fait une bande de traits. J'étais bien quand les huissiers ont débarqué un bon matin. Ils ont tout rassemblé, y'avait même pas moyen de faire. Copain, copain, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la rue. Sans plus un sou en poche, c'est oh, j'ai tout perdu. Je n'ose plus voir ma famille, j'aurais trop honte qu'ils aient pitié. J'en suis même à me demander si je vais pas pouvoir rapper dans le trône. On a bien discuté, elle avait tout pour me plaire. Je lui ai donc proposé de venir finir la soirée chez moi. Okay. J'étais tout joie, moi nature plutôt calme. On a pris le taco, elle m'a fait chaud pendant tout le trajet. Arrivé à la zone, on a fait l'amour, c'était charmé. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, non, moi je voulais plus qu'elle reparte. Au point que je lui ai demandé de venir vivre dans mon appart. Elle a tout de suite accepté dans ma tête, c'était le grand amour. Au taf, je n'arrêtais pas de penser à elle tous les jours. Elle dit, je te connais plus, même pas trouvé que j'avais changé. Tellement que j'étais croque, je n'ai même pas vu venir le danger. Un après-midi où j'étais censé travailler, j'ai préféré aller retrouver ma douce, ma belle, ma bien-aimée. Moi qui voulais lui faire une surprise, je suis tombé sur le cul. Quand j'ai vu que cette salope était en train de se faire en les cul, j'ai pété les plombs, j'ai viré tout le monde à gros coups de pépon. J'ai pris toutes ses affaires, je les ai balancées par balcon. Démoralisé, j'ai réalisé, cette pouf m'avait rendu ouf, le moral à zéro. J'étais tout au fond du gouffre, j'ai claqué tout mon pognon pour ses beaux yeux. Elle s'est foutue de ma gueule, malgré tout ça, je suis toujours amoureux. C'est la même. Par Tout Simplement Noir, c'est ça? C'est ça, Tout Simplement. tous sont noirs, tous sont... Tout simplement noir. Tout simplement. Et carrément. Tout simplement, Mathieu. Tout simplement. C'est pas compliqué, là. Hein, c'est ça. Toujours avec Léa Tessier pour ce petit mashup musical où aujourd'hui on parle de G-Funk, comme dans Gangsta Funk, comme dans Ghetto Funk. Ouais. Est-ce qu'on a assez quelque chose à dire? Je pense que oui. Oui. De quoi oui, on parle? En fait, je voulais juste dire que. Enfin, ce groupe-là, en fait, il s'est dissous. Dissous en 98 parce que c'était plus très populaire, mais il y en a encore qui en font aujourd'hui de la G-Funk. Mm-hmm. Mais du coup ils sont plus, enfin leur popularité elle baisse, mais par exemple DJ Quick a sorti une musique en 2014. C'était sa dernière musique, mais enfin elle est pas très populaire du coup. Et l'important c'est pas la popularité, c'est la qualité. c'est ça. Voilà, donc il a fait une musique qui s'appelle That Nigga's Crazy. Là, on y va dans le cliché un petit peu plus. Ouais. Dans le titre, en tout cas. Je sais pas pour la musique. On écoute ça? Ouais. C'est DJ Quick, That Nigga's Crazy. Tout de suite, à Assemblage Rock. So crazy. Nigga don't want in mind. Oh, you're so crazy. Crazy. To the nuts, you don't need no Viagra or Stens. Cause when a dick's good, they put their cushion on your front and they swing it from left to right until it ends. But then they all catch feelings and the psycho shows. And that's when they become them passive aggressive hoes talking about flipping me. What she do with her toys? You can't put nothing in me, bitch. I'm a boy. And if you keep annoying me, I'ma pump your pussy full of lead and poison both your ovaries. I'm fly, too fly. I wish it made sense to say three flies. It can't because we hot. Sterile from the barrel, so that means that I'm clean. And I'm so cool, I can nut ice cream. Now how you want it, when you want it, come get up on it. If you get it, you gon' get it. You know how I get when I hit it, I split it. Bitch, mouth open like hoe pussy, complete with the drips. You lucky my security don't want it to pop. They looking out for you bastards. If it was me, you'd be shot. Real men don't gossip and real G's don't plot. They put it down when it started, and once it started, don't stop. If you had as much money as you niggas had words, you'd probably be a fool instead of down on the curb. I'm a legend and a player and a gangster to boot. The only banger with the key to the city in my loot. I've had a spell placed over me that'll screw up your luck. If you push your mouth upon me, plot on me, you be fucked. That's the voodoo, that Pyrus do, that fly crews do, that fire on tired niggas who block cock like you do. Killer and a prophet, Nostradamus with Glocks. Acquitted at the trial, only my hair is in locks. Now kick rocks. From this cup and have a dope ass time. I like multiple bottles empty but all in a line. I'm a star, you can only be a co-star here. That should be cool, considering that you was a shit last year. Super cocky disc jockey, used to fight like hockey. Apollo Creed on Rocky, I make you bleed if you mock me. Checking niggas on Twitter, who wanna brand me as bitter? Watch your mouth and bite your lip or get it split by a spitter. Now do every drug you wanna, cause it's all from the earth. Make the grinds, do some lines, just remember your worth. Oh! Oh! Oh! rien entendu. Langage, le langage That Nigga's Crazy par DJ Quick dans le mashup musical de Léa Tessier. Merci beaucoup, Léa. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour mélanger d'autres styles musicaux. Aujourd'hui, c'était le G-Funk, G-Funk, Ghetto Funk, ouais. Gangsta Funk. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il faut que je me rappelle. Je me disais qu'à chaque semaine, il fallait que je me rappelle qu'est-ce qu'on avait fait. On avait eu le Rap rock. Aide-moi pas, rap rock. Électro rock. Non, électro. Non. Ah, man. J'ai perdu. Il y avait eu du pop punk. Ouais. Pop punk. Puis ça, je pense. Est-ce que j'en ai manqué un? Je pense que j'en ai un. Électro. Country. Electro Country! Oui. Et voilà. Bon, fait que déjà, j'ai perdu le jeu de me rappeler toutes les chroniques. La semaine prochaine, on se retrouve les lundis à 7h30. Léa Tessier, merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Eh ben voilà, c'est tout pour Assemblage Rocky sur Weekend. On se retrouve lundi pour une autre semaine d'Assemblage Rocky. Du lundi au vendredi de 7h à 10h, édition Weekend les dimanches dès 15h. Pour Mathieu Plante et moi-même, Tania Baudin, merci d'avoir été à l'écoute. Bon week-end et à lundi!